parce qu'il a permis que ce culte ait lieu. Sababu aruhusu mkutaniko ipate kuwako. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Aruhusu na sisi tuhesabiwe katikati ya wenye kuwa hai. Et il est fait ainsi pour notre avantage. Na iko nafanya yote ni njuu ya faida yetu. En tant que peuple de Dieu, sawa taifa ya Mungu, les élus du Seigneur, bateuli ya Bwana, nous devons profiter de chaque moment pour nous préparer. Tunapasha kufaidia ya kila wakati njoo kujitayarisha. La prière fait partie de notre préparation. Maombi ni sehemu ya matayarisho yetu. Écouter la parole, c'est une bonne chose. Kusikia neno ni kitu mzuri. Mais écouter la parole sans vie de prière. Lakini kusikia neno la Mungu bila maisha maombi. Fera de nous des simples formalistes. Itafanya tu tunakuwa ba inje inje tu. Nous ne serons pas de véritables chrétiens. Atutakuwa ba Kristo ba kweli. La prière nous permet de faire plusieurs expériences avec le Seigneur. Maombi inatusaidia ya kufanya maonjo ya mingi pamoja na Bwana. Sur base de la semence que nous avons reçue en nous. Yulu ya ile mbeku tulipokea ndani yetu. C'est pourquoi il faut aimer la prière. Ndio kwa maana inafadhali kupenda maombi. Nous ne devons pas être des catholiques rénovés. Atuwezi kuya tu ba katolika wa sasa. Non, bien-aimés frères et sœurs. Apana nduku na dada mpendwa. Nous devons expérimenter tous les jours la Pentecôte, notre Pentecôte. Kila siku tunapasha kuonja Pentecôte yetu. C'est la chose la plus importante pour un chrétien. Na ni kitu kya mafaa kabisa njo wa Mkristo. Un chrétien cherchera toujours à expérimenter Dieu. Mkristo atatafuta paka tu kumonja Mungu. À travers la parole qu'il reçoit. Kupitia neno yeye unapokea. Il faut que la parole soit une réalité en nous. Inafadhali neno ipate kuwa ukweli ndani yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Lève-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njoo usome wa neno. Dans Jean au chapitre 3. Mu Yohana sura ya 3. Jean chapitre 3. Kitabu ya Yohana sura yake ya 3. Dans son verset 16 à 17. Mustari yake ya 16 mpaka 17. Nous te bénissons, notre Père Céleste. Tuko nakubariki baba yetu aliye juu mbinguni. Pour une belle journée que tu nous as encore accordée. Njoo ya siku nzuri tena unetupatia. Depuis le matin, des frères et des sœurs étaient ici. Bangi asubuhi banduku na dada barikuya hapa. Pour exprimer leur désir. Njoo ya kuonesha mahitaji yao. Pour implorer ta miséricorde sur eux. Njoo ya kuomba rehema yako juu yao. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Tuku nakuomba mujina Yesu Kristo. Que chaque prière soit exaucée. Kila ombi ipate kupokea majibu. Merci au Père. Asante au Baba. Des frères et des sœurs. Banduku na badada. Qui ont des préoccupations dans Beko na mangaiko maisha yabu. Nous espérons que c'est toi qui es notre consolation. Natumainia kwamba ujo faraja yetu. Fais toutes choses selon ta volonté. Ufanye yote kufuata mapenzi yako. Et nous bénirons ton nom. Na tutabariki jina lako. Merci Père. Asante Baba. Bénis tous les serviteurs. Bariki watumishi yako bote. Bénis les anciens de cette église. Bariki bazee bote wa kanisa. Bénis tous les officiants. Bariki wafanya kazi paifasi. Bénis tous les membres de l'église. Bariki bamemba bote. Les frères, les sœurs. Banduku na wadada wa kumtandao. Soit avec eux. Upate kuwa nabo Bwana. Merci au Père. Asante au Baba. Bénis la parole que nous avons. Bariki neno tutasoma. Accorde-nous ta grâce. Upatie kwa neema yako. En toutes choses. Mbitu biote. Au nom de Jésus. Mujina na Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tuna kuomba hivi. Amen. Amen. Jean au chapitre 3. Yohana sura ya 3. Verset 16. Mustari yake ya 16 mpaka 17. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwani Mungu alipenda ulimwengu. Il a donné son fils unique. Na alitoa mwana wake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Kusudi yoyote atamini ndani yake asipotee. mais qu'il ait la vie éternelle. Lakini apokee uzima milele. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mungu kwa kuwa ashitume mwana wake mdunia kusudi apate kuhukumu dunia. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Lakini njuu ulimwengu ipate kukolewa kupitia yeye. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusome neno lake. La présence du Fils de Dieu dans ce monde, kuya kwa mwana wa mutu wa Mungu mwenye dunia, est une occasion que Dieu a donnée à tout homme d'être sauvé. Ni bahati ile Mungu alipatiwa kila mtu apate kukolewa. Dieu a chargé son Fils bien-aimé. Mungu alitwika mwana wake mpendwa. De venir dans ce monde pour sauver tout pécheur. Apate kuya mwenye dunia njua kuokoa kila mtenda zambi. La présence du Fils de Dieu dans ce monde, kuya kwa mwana wa Mungu mwenye dunia, n'est pas pour juger l'humanité. Aikukuye njua kuhukumu dunia. Mais l'amour de Dieu, lakini mapendo ya Mungu, la miséricorde de Dieu, rehema ya Mungu, veut que chaque homme qui vit sur cette terre, unapenda kila mtu mwenye anaishi pa dunia, reçoive la vie éternelle, apokee uzima milele, par sa foi dans le Fils de Dieu, kupitia imani yake ndani ya mwana wa Mungu. Le Fils unique de Dieu. Mwana wa pekee wa Mungu. La présence du Fils de Dieu unique. Kuya kwa mwana wa Mungu wa pekee. Et la manifestation de l'amour de Dieu. Njo kuonekanisha kwa mapendo ya Mungu. Il faut que tout homme qui vit sur la terre comprenne cela. Inafadhali mtu wote anaishi pa dunia apate kuelewa ile. C'est une chose très importante. Ni kitu kya mafaa kabisa. Comme nous l'avons annoncé, paka vile tulitangaza, après avoir parlé longuement sur le livre de Ruth, kisha sikusemezea wakati mrefu mukitabu ya Ruta, dans lequel le plan de la rédemption pour tout homme a été révélé. Mule mapu ya ukovu ya kila mtu ilionekanisha. Et rien que par les ombres que nous avons traitées. Na kupitia tu bimvuri benye kibile tukemezea. Un élu et un prédestiné à la vie. Muteule na ule tanguya kutayarisha jua bujima. Peut expérimenter la rédemption dans sa vie. Anaweze kuonja ukombozi maisha yake. Peut avoir une véritable expérience de la vie éternelle. Anaweze pokea onja kweli ya uzima milele. Dans la simplicité divine, katika upole ya kimungu, la voie du salut est exposée à tout homme. Njia ukovu iku yenye kuweka mbele ya kila mtu. Le plan du salut est révélé à tout homme. Mapu ya ukovu iko yenye kufunuliwa kwa kila mtu. Dieu donne l'occasion à chaque pécheur. Mungu anapatia bahati kila mtenda dhambi. De voir et d'expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie. Apate kuona na kuonja mapendo ya Mungu ndani ya maisha yake. C'est pourquoi écoutez attentivement. Njo kwa maana musikie mzuri. Avec l'objectif de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Na kifukuzio kya kupokea kitu fulani kwa upande wa Mungu. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwani Mungu alipenda ulimwengu. Il a tellement aimé le monde. Alipenda kabisa dunia. Il a grandement aimé le monde. Alipenda kabisa dunia. D'un amour extrême. Na mapendo mkubwa kabisa. D'un amour profond. Na mapendo ya upana. Un amour sincère. Mapendo ya uhaki. Tellement que Dieu a aimé le monde. Mungu alipenda sana ulimwengu. Voilà pourquoi il a envoyé son fils unique. Jukwamana alituma mwana wake wa pekee. Pour que quiconque discerne qui est ce fils. Kusudi kila mmoja apate kutambua ni nani ule mwana. Qu'il croit en lui. Aamini ndani yake. Qui ne périsse point. Na asipotee kamwe. Et qu'il ait la vie éternelle. Na apate kupokea uzima milele. C'est vrai. Kweli. Et ce soir, na imangaribi, nous annonçons ceci à l'église. Tukuna tangaza hivi kanisa. Le salut okovu dans son entièreté, katika utele yake, est l'œuvre de Dieu. Ni kazi ya Mungu. C'est Dieu qui sauve l'homme. Ni Mungu ndio anaokoa mtu. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Mtu hawezi kujiokoa. Il n'a pas ses capacités. Ana na ile uwezo. Il n'y a rien en lui. Ah, muna kintu ndani yake. Qui peut lui permettre de se sauver. Kinaweza kumurusu apate kujiokoa. Il n'y a rien qu'il peut faire. Hakuna kinaweza kufanya. Pour accéder au salut de Dieu. Juu apate kuingia kuokovu ya Mungu. L'homme n'a aucun plan. Mutu anana mapu hata moya. Pour entrer dans le salut de Dieu. Dieu a kuingia mwokovu ya Mungu. Afin de te sauver. Kusudi apate kujiokoa. Le salut. Okovu. Dans son entièreté. Katika utere yake. Dans sa totalité. Katika ubungi yake. Est absolument. Ikutu. L'œuvre de Dieu, kabisa kabisa kazi ya Mungu, le travail de Dieu, na kazi ya Mungu. C'est Dieu qui sauve l'homme. Ndio kunaokoa mtu. En dehors de Dieu, nje ya Mungu, aucun homme ne sera sauvé. Hakuna mtu anaweza kuokolewa. Aucun homme ne peut expérimenter le salut. Hakuna mtu anaweza kuonja ukovu. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Jo ile kila moja wetu anapaswa kuelewa. L'homme n'a rien à faire. Mtu ana na kitu hata kimoja kufanya. Dans la conception du plan du salut. Muku mapu ya ukovu. L'homme ne peut rien faire. Mutu hawezi kufanya kitu. Et il n'a rien à faire. Na ana na kile kufanya. Dans la conception du plan du salut. Mukutungwa kwa mapu ya wokovu. C'est Dieu qui dans son amour. Ni Mungu tu pekee ndani ya mapendo yake. A conçu ce plan. Jo aritunga ile mapu. A conçu son plan. Aitunga mapu yake. Depuis l'éternité. Tangia mumilele. Avant même la fondation du monde. Mbele ata misingi ya dunia ikueko. Avant que l'homme n'existe. Mbele ata mutu apate kuwako. Avant qu'il n'y ait un atome. Mbele ata kukuye. Avant qu'il n'ait créé quoi que ce soit. Avant mbele kukuya ta kitu fulani. Quand Dieu était encore dans l'éternité. Wakati le Mungu alikuwa mumilele. Il était encore Elohim. Wakati alikuwa Elohim. Comme nous l'avions expliqué autrefois. Pale tu as fasiliaka. Elohim qui signifie. Elohim maana yake. C'est celui qui existe par lui-même. Ni ule kunaishi kupitia yeye mwenyewe. Il vit par lui-même. Et kunaishi kupitia yeye mwenyewe. Il existe. Et kwako. Par lui-même. Via yeye mwenyewe. Et il vit par lui-même. Na ekunaishi juu yake mwenyewe. Il n'a ni commencement de ana, jour. Na mwanzo wa masiku. Ni fin de vie. Wala mwisho wa masiku. Quand il était Elohim. Wakati alikuwa Elohim. Il était seul. Alikuwa yepeke. Rien n'était créé. Na akukwe kitu hata kimwake mau kama mwanadamu. Celui qui remplissait. Ni yeye alianza kuja. Le temps et l'espace. Ma wakati na manyakati. Rien n'existait en dehors de lui. Akukwe kitu hata kimoya nje yake. Et dans son amour. Na ndani ya mapendo yake. Dieu depuis l'éternité. Mungu tangia milele. Avant la fondation du monde. Ya misingi ya dunia ipate kuwako. C'est lui seul. Niye peke. Qui conçut ce Dieu plan. Akatunga imapu. Son propre plan. Mapu yake peke. Pour sauver l'humanité. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweli dada yangu. Et quand Elohim est devenu Dieu. Na mwakati Elohim alikuwa Mungu. Quand il est devenu Dieu. Mwakati anakuwa Mungu. Quand Elohim est devenu la parole. Mwakati Elohim anakuwa neno. Il est devenu le commencement. Anakuwa sa mwanzo. Dans la création. Ah, katika maumbile. Dieu avait conçu des créatures. Mungu aliumbaka maumbile mbili. Totalement différentes. Yenye kuachana kabisa kabisa. D'autres créatures. Na biumbe bingine. Dans toutes les créatures. Katikati ya maumbile yote. Que Dieu avait conçu au commencement. Yenye Mungu alitungaka kumwanzo. Qu'il avait créé au commencement. Il est aliumbaka kumwanzo. Il eut des créatures qu'il avait conçu d'une manière totalement différente. Il est aliumbaka munamna ya kuachana kabisa kabisa des autres créatures. Na imaumbile ingine. Et ces deux créatures. Na il est maumbile mbili. Premièrement, c'était les anges. Kwanza ilikuwa ni malaika. Et deuxièmement, c'était les hommes, c'était l'homme. Na wa pili ilikuwa ni mtu. Parmi toutes les créatures. Katikati ya maumbile yote. Dieu créa les anges. Mungu akaumba ba malaika. Il créa les hommes. Na akaumba batu. D'une manière totalement différente. Munamna ya kuachana kabisa kabisa. D'autres créatures. Na maumbile yote. Et qu'est-ce qui faisait la différence? Na ni nini ileta chanisho. Entre les anges. Katikati ya malaika. Les hommes. Na batu. Et d'autres créatures. Na, c'est le libre arbitre. Ni uru ya kuchakula. Que Dieu avait doté. Il est Mungu alipatia. C'est des créatures. Il est maumbile mbili. Les anges. Ma malaika. Et les hommes. Na batu. Furent créés libres. Bariumbwa katika uru. Avec leur propre volonté. Na mapenzi yabo ya kuchakula. C'est leur liberté. Na ni ile uru yabo. Leur libre arbitre. Ile uru yabo ya kuchakula. Leur propre volonté. Mapenzi yabo peke. Que Dieu avait doté. Ile Mungu alibapatia. Aux anges. Ba malaika. et aux hommes Nabatu, qui créèrent la différence. Njo ileta achanisho. C'est vrai, frère. Biakweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Biakweri dada. Dieu en tant que Dieu. Mungu sa Mungu. Dans sa préscience. Dani akuyua kufahamu kwake. Après avoir doté les anges et les hommes du libre arbitre, kisha kupatia malaika na batu uri ya chakula, Dieu avait vu Mungu arionaka que les anges ya kwamba ba malaika et les hommes na batu à cause de leur libre arbitre kwa ajili ya ile uri yabo ya chakula tomberaient batanguka. Comme Dieu connaît toutes choses. Savile Mungu ni mwenye kujua yote. Dieu est doté d'une faculté. Mungu eko na ile faculté. Wezo. Qui n'existe à aucune créature. Ile aikalake ndanya kiumbile hata kimoya. Cette faculté que nous appelons la prescience. Wezo tunaita kusema kutangulia kufahamu kwa Mungu. Qui lui permet de connaître toutes choses. Comme il est éternel. Et qu'il n'a ni commencement na, ni fin. Il est l'unique qui connaît l'éternité. Et ce qui forme l'éternité. Na kile kina tunga wa milele. Il est l'unique qui connaît na le temps. Ye peke jona ya wakati. Et ce qui renferme le na temps. Ile nye funga wakati. Celui qui connaît. Ule anajua. Chaque créature. Kila maumbile. Parce que c'est lui. Sababu ni ye. Qui est le créateur. Jo ariumba. Il est l'unique créateur. Il est l'unique homme. Mutu. Il est l'unique créateur, il est l'unique être ni mutu le peke, qui est doté ou le eko, de la prescience. Na kutangulia kufahamu. C'est vrai. Ya kweri. Il connaît toutes choses. Anayua mambo yote, kitu yote. Il connaît tous les anges. Anajua ba malaika bote. De l'intérieur comme de l'extérieur. Ndani sawa inje. Il connaît tous les hommes. Anayua mutu ote. De l'intérieur comme de l'extérieur. Kwanzia ndani kapaka inje. Il connaît tout ce qui renferme le ciel. Anayua biote bikumumbingu. Il en est le créateur. Il connaît. Anajua. Ce qui existe sur la terre. Il est coupé dunia, parce que c'est lui qui est le créateur. Il connaît tout ce qui se trouve dans la mer. Yote, parce qu'il en est le créateur. Il connaît ce qui existe dans l'air. Il est bikumuanga, dans l'atmosphère. Mpepo, parce que c'est lui qui a créé l'atmosphère. C'est vrai, frère. Mawimbi. Et il connaît chaque créature. Na anayua kila fond. Il connaît chaque créature kila et la vie de chaque créature. Na maisha kila kiumbile. Il est Dieu. Ni Mungu. C'est vrai, frère. Ya kweri nduku. Mais dans sa faculté. Lakini ndani ya uwezo yake. À travers sa prescience. Kupitia kutangulia kufahamu kwake. Après qu'il ait créé les anges. Ye kuumba ba malaika. Et les hommes. Na batu. Après qu'il les ait dotés. Ye kubapatia. De leur libre arbitre. Uru ya chakula. De leur propre volonté. Kubapatia mapenzi yao. La liberté de choisir. Uru ya chakula. Ce qu'il pouvait faire. Banawezi kufanya. Dieu, à travers sa prescience, avait vu que les hommes créés et les anges créés tomberaient certainement à cause de leur libre-arbitre. Dieu avait vu d'avance qu'Adam tomberait kwamba Adam watanguka par la séduction de Lucifer ya utongozi ya Lucifer et toute la création na maumbile yote tomberait ensemble avec lui kwa pamoja naye. Dieu avait na vu tout Mungu alionaka ile yote. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vraiment sœur. Bia kweri dada. Dieu avait vu d'avance. Mungu alitanguliaka kuona. Qu'après la création d'Adam. Ya kwamba kisha kuumba Adam. Bien qu'il serait créé à son image. Atavi atamuumba kwa picha yake. Doté du libre albedo. Kwa mfano yake mwenye kuya na uhuru ya chakula. Tomberait par la séduction de Lucifer. Atanguka kama utongozi ya Lucifer. Après que Lucifer. Kisha Lucifer. Ce soit. Et ce soit reporté dans le ciel. Utomboka kule kumbingu. Et entraîné il me dit. Na atabebwa. D'ange après lui. Atabeba malaika wa mingi kisha yeye. Dieu savait tout cela. Na Mungu akuaka nesha jua ile yote. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu avait vu tout cela. Alikuaka nesha kuona ile yote. Il avait déjà vu. Alikuaka nesha kuona. Que la chute de l'homme. Kwamba kuanguka kwa Mungu. Entraînerait. Utabeleka. La perdition. Kupotea. De toute la création. Kwa maumbile yote pamoja naye. C'est vrai. Bya kweli. Parce qu'il est Dieu. Sababu yeye ni Mungu. La chute ne pouvait pas les surprendre. Kuanguka akuwezi kumshitusha. Si il pouvait, si la chute pouvait les surprendre. Kama kuanguka kuweza kumshitusha naye. Il ne serait pas Dieu. Pale akuwezi kuwa Mungu. Il serait un homme comme toi. Alipashikwa mutu sawe na mie. Mais il avait déjà vu ça. Lakini alikuwa kashatangulia kuona. Et quand Dieu avait vu na mwakati le Mungu alionaka la chute d'Adam kuanguka kwa Adam la chute de l'homme kuanguka kwa mtu et la perdition de tous les hommes potea kwa batu bote et la perdition de toute la création potea kwa maumbile yote. Alors Dieu dans son amour Mungu ndani ya mapendo yake Dieu dans sa miséricorde ndani ya rehema yake avait conçu un plan du salut alitungaka mapu ya wokovu pour tous les hommes, sans exception. Bila ubaguzi wala kuchakula mutu. Quand il avait vu mwakati alionaka que tous les hommes ya kwamba batu bote tomberaient avec Adam batanguka pamoja na Adam et que toute la création na maumbile yote tomberaient ensemble avec Adam pamoja na Adam l'amour de Dieu mapendo ya Mungu qui avait créé l'homme inye riumba mutu pour ne pas le perdre juu ya asipotee il avait créé l'homme Mungu aliumbaka mutu pour qu'il vive éternellement apate kuishi milele mais l'homme par erreur lakini mutu kupitia makosa yake utilisant mal son libre arbitre mia mubaya sa liberté uru yake sa volonté mapendi yake par la séduction de Lucifer ukombozi ya Lucifer il est tombé, na alianguka l'amour de na Dieu, mapendo ya Mungu la compassion de Dieu ma upe mapendo ya Mungu la miséricorde de Dieu rehema ya Mungu conçut aussi un plan nayo ikatunga mapla pour sauver tous les hommes ya kuokoa batu bote sans exception bila ubaguzi kwani après les avoir perdus, après les avoir vus perdus, il conçut ses plans akatunga imapu pour que tous soient sauvés bote apate kukolewa sans exception. Bila kuchakula. C'est alors qu'il conçut un plan complet njopale akatunga mapu ya utele pour sauver tout homme ya kokoa kila mutu qui tomberait avec Adam ule atanguka pamoja na Adam. C'est vrai, c'est frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Bia kweli dada yangu. Dieu a vu la chute Mungu Adam aliona kuanguka ndani ya Adam. C'est pourquoi jo kwa mana il mit son rachat akaweka en Christ pour tous les hommes. Okovu yake na ya Kristo juu ya batu bote. Comme Dieu depuis l'éternité. Savile Mungu tangia milele. Avait vu. Alikuwa kanishaona. Tous les hommes tombaient en Adam. Batanguka ndani ya Adam. Voilà pourquoi. Kwa maana. Il considéra ça. Akatunga ukombozi. Tous les hommes. Ya batu bote. En Christ. Ndani ya Kristo. C'est vrai. Ya kweli. Romains chapitre 5. Wa Roma sura ya 5. Romains chapitre 5. Wa Roma 5. Dans Romains au chapitre 5. Mkitabu ya Roma sura ya 5. vrai. Ni kweli. Dans son verset 12. Mustari yake ya 12. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Comme par un seul homme. Sable kupitia mutu moya. Le péché est entré dans le monde. Zambi ilingia mudunia. Et par le péché. Na kupitia zambi. La mort. Lufu. Et qu'ainsi la mort. Na ivi lufu. S'est étendu sur tous les hommes. Ilizambalala yuloba tuboti. Parce que tous ont péché. Sababu bote baritenda zambi. Parce que tous sababu bote sont devenus pécheurs. Barikuya batenda zambi. C'est pourquoi. Njukwamana. Par un seul homme. Kupitia mutu moya mwenye kuya Adam. Qui fut créé à l'image de Dieu. Ule aliumbwa kufatana picha ya Mungu. Avec son libre arbitre. Na uru yake ya kuchakula. Qui par son libre arbitre. Na kupitia uru yake ya kuchakula. A péché. Alitenda zambi. Et par le péché d'Adam. Na kupitia zambi ya Adam. La mort est entrée. Lufu lukaingia. Et la mort. Na lufu. S'est étendu. Ili zambalala. Sur tous les hommes sans exception. Ya batu bote bila kuchakula bila kutoshako. Pourquoi? Jua nini? Parce que tous les hommes. Sababu batu bote. Sont devenus pécheurs. Barikuya batenda zambi. Par Adam. Kupitia Adam. C'est vrai. Ni kweli. Dans le verset 17. Mustari yake ya 17. Jusqu'au verset 19. Fika paka na 19. Si par l'offense d'un seul. Kama kupitia uovu ya mutu moya. La mort a régné par lui seul. Lufu itawala kupitia ye moya. Dise très bien. Musome muzuri. Et comprenez très bien. Na mweleo muzuri. Si par l'offense d'un seul. Kama kupitia tu uovu ya mutu moya. La mort a régné par lui seul. Na lufu ilitawala kupitia tu ye moya. A plus forte raison. Marangapi. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Balebe kuna pokea utele ya neema. Et du don de la justice. Na zawadi ya waki. Régneront-ils dans la vie. Bata atawala mumaisha. Par Jésus-Christ lui seul. Kupitia Yesu Kristu ye moya. Ainsi donc. Ivi basi. Comme par une seule offense. Savile kupitia kosa moya. La condamnation. Ukumu. A atteint tous les hommes. Ilikamata batu boti. De même par un seul acte de justice. De justice. Vile vile, kupitia tendo moya waki. La justification. Waki. Qui donne la vie. Ile kunaleta bujima. S'étend à tous les hommes. Iko na kamata batu bote. C'est vrai. Amen. Nikweli. Car. Kwani. Comme par la désobéissance. Savile kupitia kutokutu. D'un seul homme. Ya mutu moya. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Ba mingi barikuwa batina zambi. De même par l'obéissance. Vile vile kupitia kutu. D'un seul. Kwa mutu moya. Beaucoup seront rendus justes. Ba mingi batakuya baachi. C'est vrai. Ni kweli. Notez très bien. Mwandike mzuri. Par la désobéissance. Kupitia kutokuti. D'un seul homme. Kwa mutu moya. Adam. Adam. La mort a régné. Na lufu lutawala. Sur tous les hommes. Yulu ya batu bote. Qu'est-ce que cela signifie? Ile inamanisha nini? Qu'est-ce que cela signifie? Ile inamanisha nini? Cela signifie. Il est manaki. Que naître par Adam. Mikusema kuzali kwa kutoka Adam. Devenir enfant d'Adam. Uya tu mutoto wa Adam. C'est être pécheur. Ni manaki uko mtenda zambi. C'est naître avec la mort en nous. Mikuzali kwa na lufu ndani yetu. pour être pécheur. Juu ya wewe kuwa mtenda dhambi. Et avoir la mort en nous. Na kuya na lufu ndani yetu. Vous devez naître par Adam. Munapasha kuzali kwa kutoka Adam. Vous devez avoir. Munapasha kuya. Le sang d'Adam en na vous. Damu ya Adam ndani yenu. Le sang d'Adam. Damu ya Adam. A amené la mort en nous. Jo ileta lufu ndani yetu. Par la voix. Kupitia njia. Du germe de vie. Ya ile mbeko abuzima. Que nous avons hérité. Ile tulipokea. D'Adam. Ndani ya Adam. Si nous sommes devenus pécheurs. Kama tulikuwa batenda dhambi. Si aujourd'hui nous mourons. Kama leo tunakufa. Nous sommes devenus pécheurs. Tunakuya batenda dhambi. Parce que nous sommes nés. Sababu tulizali kwa. Ben Adam pécheur. Kwa Adamu mutenda dhambi. Ben Adam mortel. Kwa Adamu wakufwa. Un pécheur. Mutenda dhambi. Donne naissance. A donné naissance. De Arizala. Aux enfants pécheurs. Batoto batenda dhambi. Un Adam mortel. Na Adamu wakufwa. A donné naissance. Aizala batoto. A des fils mortels. Batoto nabo bakufwa. Nous avons hérité. Na tuliriti. La vie mortelle. Maisha ya lufu. La nature pécheresse. Asili ya dhambi. Qui était dans notre père Adam. Ilikuwa ndani ya baba yetu Adam. Par les germes de vie mortelle. Kupitia que nous avons hérité. Ile tulipokea. De notre Adam. Kupitia de notre père Adam. Baba yetu Adam mtenda dhambi. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Tout celui qui a le sang. Ule ote aikona damu. D'Adam dans ses veines. Ya Adamu mumishipa yake. Est un pécheur. Ni mutenda dhambi. Même s'il ne vole pas. Ata kama ule mutu aibake. Même s'il ne ment pas. Ata kama ule mutu alandake. Même s'il ne commet pas adultère. Ata kama atendake busharati. Mais il est un menteur. Lakini ni mudanganifu. Il est un adultère. Il est un pécheur. Mutenda dhambi. Parce que les germes du péché. Sababu ile mbeko. Et les germes de la mort. Na ile mbeko ya lufu. Se retrouvent en lui. Iko napatikana ndani yake. C'est vrai. Kweli. Si on ne voit pas encore cela. Kama atuone tena ile. C'est parce qu'il sait seulement se posséder. Bado atuone ile sababu anayo kujishika. Par son libre arbitre. Kupitia uhuru yake ya kuchakula. Mais si vous lui donnez beaucoup de temps. Mais lakini ukumpatia kwa masiku ya mingi. Sa nature pécheresse. Asili yake ya kutenda dhambi. Et mortel. Na ya lufu. Se révélera en lui. Itaonekana ndani yake. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Nous devons jamais nous poser la question de savoir si atuwezi kama kujuliza pourquoi nous mourons. Juu ya nini tunakufa. Pourquoi nos parents meurent. Juu ya nini bazazi yetu wanakufa. Pourquoi nos enfants meurent. Juu ya nini batoto yetu wanakufa. Pourquoi nos maris meurent. Juu ya nini babwana yetu wanakufa. Pourquoi nos femmes meurent. Babibi yetu wanakufa. Pourquoi les hommes meurent. Nous mourons parce que nous avons en nous les germes mortels de notre père Adam mortel que nous avons hérité de notre naissance. Pourquoi nous avons les penchants au mal. Pourquoi nous avons les penchants au mal. C'est parce qu'en nous, nous avons hérité les penchants conscient du mal que votre père Adam. C'est vrai, frère. C'est pourquoi il nous arrive. Même sans le vouloir. De pécher. De broncher. Parce que la nature du péché. C'est vrai, ma sœur. C'est pourquoi tu peux voir. Les mères le savent. Même un bébé d'un seul jour peut se fâcher. Et pourtant, il n'a qu'un seul jour. Il a hérité le péché. Si vous voulez vivre sans péché, et vous voulez être immortel, vous devez naître en dehors d'Adam. Inje ya Adam, mutenda zambi. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada yangu. Vous devez naître. Munapasha kuzalikwa. En dehors d'Adam. Inje ya Adam. Vous devez naître. Unapasha kuzalikwa. En dehors du sexe. Inje ya mwili ya ndoa. Oui, bien aimé frère. Na kweli nduku na dada. Oui, bien aimé sœur. Dio. Le péché. Zambi. N'a pas seulement amené la mort. Aikulete tu pa kalufu. Le péché. Lakini zambi. A amené la souffrance. Ileta mateso. Et toutes les maladies. Na magonjwa yote. Que vous voyez. Ile munaona. Parmi les hommes. Katikati ya batu. Parmi les oiseaux, katikati ya bandeke, parmi les insectes, ata kubilulu, parmi les poissons, ata kusamaki, parmi les bêtes, ata kubanyama, dans les arbres, kumichi, les herbes, mi mayani, et même la terre, na ata bulungu wenyewe. C'est vrai, frère. Kweli ndugu. Même la terre sur laquelle, ata padunia pale, vous marchez, munatembelea. Elle tombe malade. Nayo bulongo unagonjwaka. Même l'atmosphère. Ata enye asili. Fut polluée. Inesha kuharibika. À cause. Kwa ajili. Du péché. Ya zambi. De la désobéissance. Ya kutukuti. D'Adam. Kwa Adamu. Le péché d'Adam. Zambi ya Adamu. Entraîné toute la création. Ilingisha maumbile yote. Dans la mort. Ndani ya lufu. Dans la souffrance, dans les maladies, dans les maladies, dans les magonjwa, dans les gémissements, na mukugua. C'est vrai. Nikweli. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, jukwamana mu mapu ya Mungu, depuis l'éternité, tangia milele, Dieu aussi, Mungu naye, pour sauver les hommes, Dieu a kokoa baku, comme ils sont venus dans le monde, indépendamment de leur volonté, ils sont devenus pécheurs, à cause d'Adam, Dieu aussi a conçu, un plan par lequel, mapu kupitia yayo, les hommes, batu, peuvent retrouver, kupokea, la santé éternelle, ya milele, la vie éternelle, milele, vous voyez, unaona, la sainteté éternelle, la justice éternelle, uwaki wa milele, par un seul kupitia mutu moya. C'est vrai. Kweli. Dans le plan mu mapu, du rachat, ya de la rédemption, ya ukombozi, du salut, ya ukovu, comme Dieu avait vu, kabla Mungu akuanisha ona, qu'un seul homme ya kwamba mutu amenele la chute, ataleta kuanguka, le péché et la mort, dhambi na lufu, les douleurs et la souffrance, na umivu na mateso, Dieu aussi conçu que par un seul homme, ya kwamba kupitia mutu moya, tous les hommes, batu bote, seraient ramenés à la vie, batarudishwa kubujima, à la justice, uwaki, à la sainteté, utakatifu, et au bonheur éternel. Na kura ya milele. C'est vrai, frère. Kweli nduku. C'est pourquoi. Jukwamana. Il envoya. Akatuma. Il conçut. Akatunga. Un deuxième Adam. Adam wa pili. Et le dernier. Na wa mwisho. Qui n'est pas quelqu'un d'autre. Ule asina muntu mwingine. Christ. Christu. Et par un acte d'obéissance. Na kupitia tendo moya de Christ. Ya Christu. Nous avons la vie éternelle. Tunapokea uzima wa milele. C'est-à-dire. Manake. Pour avoir la vie éternelle, vous devez naître de Christ. Muna pasha kuzalikwa kutoka Kristo. Vous devez devenir muna pasha kuya enfant de Christ. Mutoto wa Kristo. Vous devez avoir en vous muna pasha kuwa ndani yako le germe de vie de Christ. Na ile mbeko wa pour que la vie et la justice éternelle de Dieu habite en nous. Ipate kala ndani yetu. C'est vrai, frère. Kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Kweli dada yangu. Voilà pourquoi, du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous parlait de la nouvelle naissance. La première naissance par le sexe, c'est une naissance que Adam nous avait amenée. Vous voyez? Il faut maintenant une deuxième naissance qui vient par l'obéissance pour avoir la vie. Est-ce que l'Église est avec moi? Pour avoir la vie, il vous faut naître de Christ. C'est vrai. Il faut devenir enfant de Dieu, enfant de Christ, à travers le sang de Christ. Il faut avoir en vous le germe de vie de Christ pour que la vie et la justice éternelle habitent en nous. C'est vrai. C'est pourquoi il est dit dans Jean au chapitre 1. Il est dit dans Jean au chapitre 1. Dans son verset 12. Mustari yake ya 12. Jusque le verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Lakini kwa bote bali barimpokea. À tous ceux qui ont reçu le dernier Adam. À tous ceux qui ont reçu Christ. À ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Neno ilipatia uwezo ya kuya batoto ya Mungu. Lesquels sont nés? Bale banachazalikwa. Lesquels sont nés? Il y a le terme naissance. Muko msemo kuzalikwa. Pas ceux qui adhèrent. Aina bale banijunga hapana. Non, bien mes frères. Hapana ndugu mpendwa. Vous devez naître de la parole. Unapasha kuzalikwa kutoka neno. Vous devez avoir en vous le germe de la parole. Na chipuko ya neno. À ceux qui ont reçu la parole de vérité, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui ont reçu Dieu, et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est enfant, c'est par la naissance. Pas par adhésion. Aina kwa kujiunga tu. C'est vrai, frère. Ah, nkweli nduku. Non du sang. Apana, kupitia damu. Ni de la volonté de la chair de l'homme. Wala kupitia mapenzi ya mwili ya mutu. Non du sang de l'homme. Apana kudamu ya mutu. Ni de la volonté de la chair wala ya mutu. Wala mapenzi ya mwili ya mutu. Ni de la volonté de l'homme. Wala mapenzi ya mutu. Mais de la volonté de Dieu. Lakini mapenzi ya Mungu. Quelle est la volonté de Dieu? Na mapenzi ya Mungu ni nini? Dans le plan qu'il conçut depuis l'éternité. Ile mapo alitunga tangia milele. Tous les hommes. Batu bote. Ils sont tombés par Adam. Bale bale encore pia Adamu. Devait être arraché. Bale pasha kombolewa. Na la vie éternelle. Na kurudishwa kubujiwa milele. Bale dernier Adam. Kupitia Adamu wa mwisho. Mwenye kuya Kristu. Tous sont tombés dans Adam. Bote bale anka ndani ya Adamu. Et tous. Na bote. Reçoivent la vie. Nous en Jésus-Christ. C'est vrai, frère. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux, c'est-à-dire, à ceux qui sont nés de lui, à ceux qui reçoivent sa vie en lui, qu'on a poké à Bujima yaki. À ceux qui ont les germes de vie. Son germe de vie en eux. C'est vrai. Ils deviennent enfants de Dieu. C'est vrai, frère. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est à tous ceux, ni kwa bale bote, manake, c'est à tous ceux, ni kwa bale bote, qui sont nés de lui, barizali kwa kutoka yeye. Pas à ceux qui sont nés, aina kubale barizali kwa, d'une dénomination, kuzebu mwa fulani, d'une église, wala kanisa, d'un homme, wala kutokea mutu. Non. Apana. Ou ceux qui sont nés. Voilà, bale, bale, selon la pensée humaine. Kwatana na mawazo ya batu. Selon la volonté humaine. Kwatana na mapenzi ya batu. Non. Apana. Il faut que ça soit. Inafadhali kuye. Selon. Kufuatana. La volonté de Dieu lui-même. Na mapenzi ya Mungu pekee. À ceux qui l'ont reçu. Bale bale mpokea. C'est à ceux ni kwabu, qui ont reçu en eux abu, les germes de vie. Il est mbeko abujima. Les germes de vie. Il est mbeko abujima. Ne vient que par le sang. Inatukia katupitia damu. Comme ceux. Savile beau. Qui meurent en Adam. Adam. Ont les germes de vie. Mbeko abujima. Ils ont reçu par le sang. Balipokea kupitia damu. Veni d'Adam. Il est ritoka kwa Adam. Il faut que ceux. Inafadhali bale na bo. Reçoivent la vie éternelle. Abujima milele. Reçoivent aussi les germes de vie. Mbeko abujima. Ils viennent par le sang. Natoka kupitia damu. De notre Seigneur Jésus-Christ. Ya Bwana wetu Yesu Kristu. Voilà pourquoi le sang de Christ devait être brisé au bois du Calvaire. Ce n'est pas Aïna. Le sang qui circulait dans les veines d'Adam, dans les veines de Jésus Christ, qui nous sauve. Non. Apana. C'est son sang versé. Parce qu'il fallait que le sang soit versé pour libérer la vie qui était dans le sang. Bule burkwa ndani ya damu. Pourquoi il est dit? Donc, kwa mana anasema, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Lakini kwa bale bote walipokea, à tous ceux qui croient en son nom. Bote wanaamini ndani ya jina lake. Qui vient à lui par la foi. Ndio anakuja kwake kupitia imani. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la naissance. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi, par le premier Adam, kupitia Adam wa kwanza, nous qui sommes venus par les sept, si tulikuwa kupitia mwili andoa, nous avons reçu la mort, tuliriti lufu, nous avons été rendus pécheurs, tulifanya tukabati na zambi, et par le péché, na kupitia zambi, nous sommes tombés dans la mort. Tulianguka mulufu. Et pour notre salut, na njua wokovu yetu, comment Christ est venu dans ce monde? Nana kani Kristo alikuya mudunia? Comment Christ est venu nana dans ce monde? Nana kani Kristo alikuwa mudunia? Christ est né par la parole. Kristu alizali kwa kupitia neno. Il est la manifestation. Na yeye ni kuonekanishwa. Il est né. Alizali kwa de la parole. Kupitia neno. Et de l'esprit. Na kupitia roho. Par la voix de la femme. Kupitia njia ya mwanamke. Il faut aussi. Na fadhali tena. Pour notre naissance. Juu ya kuzalikwa kwetu. Que nous naissions par la parole. Tuzalikwe kupitia neno. Et par l'esprit. Na kupitia roho. Nous avons maintenant la vie. Tuko na bujima. C'est vrai, frère. Tukweli nduku. C'est par la parole. Kupitia neno. Et par l'esprit Nautiaro, que nous recevons en nous yetu, les germes de Christ, mbeko ya Christ, la nature de Christ, asili ya Christ, le sang de Christ, damu ya Christu, la vie de Christ, ujima wa Christu, dans lesquels ndani ayo, il n'y a pas de péché, amuna zambi, dans lesquels ndani ayo, il n'y a pas la mort, amuna lufu. Si tu veux éviter la mort. Kama unapenda kuepuka dhambi na lufu. Necessairement par Christ. Zali kwa tu kupitia Kristo. Nese de la parole. Zali kwa kutoka neno. Nese de l'esprit. Zali kwa kutoka roho. Et vous aurez la vie éternelle. Utapata uzima milele. Et vous recevrez la nature de Christ. Na mtapokea asili ya Kristo. Et dans la nature de Christ. Na ndani ya asili ya Kristo. Il n'y a pas le désir du péché. Amuna amu wala tamaa ya dhambi. Et dans la vie de Christ. Na ndani ya uzima wa Kristo. Il y a l'éternité. Muko milele. Si vous demeurez. Kama unadumu. Dans la première naissance, mule mkuzaliko wa kwanja, vous êtes un pécheur, uko mtenda dhambi, vous êtes souillé, uko wa kuchafuka, et tu es un mort, na uko wa kufwa. Tous les enfants qui naîtront de toi, na batoto bote atazaliko kutoka kwako, sont appelés à mourir, beko benye kuitwa kulufu, et sont des pécheurs, na ni batenda dhambi. Pourquoi? Dieu a nini. Parce que nous avons hérité Sababu tuririti, le sang de notre père Adam. Damu ya baba yetu Adamu. Nous sommes nés tunesha zalikwa d'un Adam désobéissant. Kwa upitia Adamu moyo akutokuti. D'un Adam souillé. Adamu moyo akuchafuka. D'un Adam péché. Adamu mutenda zambi. D'un Adam na mortel. Adamu wa kufwa. Le mortel ba kufwa engendre le mortel. Banekalaka mkuzala ba kufwa. Le péché batina zambi engendre le péché. Banekalaka mkuzala batina zambi. Mais Christ le saint. Christ mtakatifu. Christ le juste. Christ mwenye haki. Christ le vivant. Christ mwenye kwa mjima. Lui engendre. Yeye eko na zala ba jima. Christ l'éternel, Dieu à milele, engendre, eko na zala, les éternels, à milele. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Kweli dada. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc, que chacun de nous comprenne. Ni kusema kila mmoja wetu anapashi kuelewa. Pour résumer. Ndio kusema mukifupi. Avant de nous séparer. Mbele ya kuachana. Pour ce qui est du salut. Kwa ile inangalia okovu. Le salut. Okovu. Dans son entièreté. Katika utele yayo. Est l'œuvre de Dieu lui-même. Ni kazi ya Mungu ye mwenyewe. C'est Dieu qui a pris la responsabilité ni Mungu, Dieu a libeba ile bujito, de sauver l'homme. Ya kuokoa muntu. C'est Dieu qui a conçu. Ni Mungu ndio alitunga. Lui seul le plan. Ye peke yake mapu. Pour sauver l'homme. Juu ya kuokoa mtu. La présence de Dieu. Kutangulia kufahamu kwa Mungu. Après avoir créé l'homme. Kisha ekumba mtu. Et les anges. Na ba malaika. Comme des créatures différentes. Sawa maumbile yenye kuachana. De toutes les créatures. Na maumbile yote. À l'heure d'autant du libre arbitre. Mukuba pachia uru ya kuchakula. Dieu dans sa prescience. Mungu mukutangulia kujua kwake. Avait vu la chute. Alionaka kuanguka. Des anges. Kwa ba malaika. Et de l'homme. Na kwa mtu. Mais particulièrement. Lakini kakipeke. Dans la chute de l'homme. Mukuanguka kwa mtu. Pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à la chute des anges? Angaikiaki kuanguka kwa ba malaika. Les anges. Kwa malaika. N'ont pas été créés. Bo abakumbwe. À l'image de Dieu. Kupicha ya Mungu. Les anges malaika ne sont pas des fils de Dieu. Aina batoto ya Mungu. Les anges ba malaika sont des serviteurs bo de Dieu. Ni batumishi ya Mungu. Et les anges na ba malaika devaient être au service bali pashi kuya ku kazi ya mutu. Amen. La chute de l'homme kuanguka kwa mutu. Parce que c'est par l'homme. Tabu ni kupitia mutu. Que toute la terre. Jo ulimwengu mujima. Devait se remplir. Ilipasha kujiaya kujijaza. L'homme qui fut créé. Mutu ule aliumbwa. Était juste. Alikuwa mwenye haki. Sans péché. Alikuwa bila zambi. Et il y a la vie éternelle. Na alikuwa na bujua wa milele ndani yake. Par la ruse de Lucifer. Lakini kupitia bujanja ya Lucifer. L'homme perdu. Mutu akapotesha. La justice. Waki yake. La sainteté. Akapocha mtakatifu yake. Et la vie éternelle. Akapocha hata bujima milele. Que Dieu lui avait donné. Ile Mungu alimpatia. Et après sa chute. Kisha kuanguka kwake. Il donna naissance. Akazala. Au péché. Batenda zambi. Et au mortel. Na batu bakufwa. Et tous les hommes. Na batu bote. Qui venaient par Adam. Bale baranza kwa kutokea Adamu. Était des pécheurs. Balikuwa batenda zambi. Et des mortels. Na batu bakufwa. Par la préscience avait vu, de Dieu avait vu cela. Wakati kutangulia kujua kwa Mungu kulionaka vile. Dieu aussi. Mungu na ye. Conçu un plan. Akatunga mapu pour acheter son fils. Juu ya kukomboa mwana wake. Qui fut tombé. Ule alianguka. Pour le ramener. Juu ya kumurudisha. À la vie. Mubujima ya milele. Et il conçut un plan na, unique. Akatunga mapu peke. De la rédemption. Ya ukombozi. En Christ. Dani ya Kristu. Comme ceux qui naissent d'Adam. Savez le balébé qu'on a zari quoi kutoka Adam. Mais ce pécheur. Le on a zari quoi batina zami. Immortel. Naba kufwa. Il conçut un plan unique en Christ. Akatunga na mapu moya ndani ya Kristu. Pour que ceux qui naissent en balébé kutoka na zari quoi kupitia Kristu. Soit saint. Bapate kwa takatifu. Zut. Benye haki. Et vive éternellement. Na baishi milele. C'est comme ça que Dieu. Jovile Mungu. A conçu ce plan. Alitunga ile mapu. Nous sommes pécheurs. Tubatenda zambi. Nous mourons. Tunakufwa. Parce que nous sommes nés d'Adam. Sababu tulizaliwa kwa Adamu. Le pécheur. Mtenda zambi. Le mortel. Wakufwa. Parce que nous avons en nous. Sababu ndani yetu. Le sang d'Adam. Tuko na damu ya Adamu. Ya mtenda zambi. Na wakufwa. Nous avons en nous. Ndani yetu. Le germe mortel. Na ile mbeku ya Adam. Le péché. Na Adamu mtenda zambi. Na le mortel. Na Adamu wakufwa. Mais quand nous naissons en Christ. Lakini wakati tunazaliwa ndani ya Kristo. Nous naissons de nouveau. Tunazaliwa mara ya pili. Là nous naissons. Pale tunazaliwa. Juste saint. Benye haki na batakatifu. Et nous naissons. Na tunazaliwa. Immortel. Bashipo kufwa. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que nous restons. Nous recevons. Sababu tunapokea. Le germe de vie. Ile mbeko ya bujima. d'un immortel. Ya mutu asipokufa. Nous sommes frères et sœurs. Parce que nous recevons pokea, la nature d'un homme juste. Nous avons en nous le sang juste damu takatifu de Christ. Ya Christu. Nous avons en nous la vie immortelle que nous recevons de Christ immortel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Qui a compris? Merci. Lève-nous pour la prière. C'est pourquoi, comme nous le verrons plus tard, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ disait à Nicodème, vous devez, pas vous pouvez, pour venir dans ce monde, vous devez naître de la femme. Et pour naître dans le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Prions. Père céleste.